dis à ton papa que tu rentreras plus tard. Je t'offrirai tout ce que tu veux, je t'emmènerai même sur Pluton. Pourquoi je t'ai pas connu plus tôt? Je veux plus rien savoir des autres, moi like elle me fout tous pitcher. À la recherche de quelques dingueries, elle parle sur mon dos alors que j'étais son favori. Elle part sur les réseaux, faut qu'on brève dinguerie. Elle parle tellement sur moi qu'elle en perd les calories. J'suis pas un homme comme ça. Mais sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. Toi que je veux, elles sont dans le mat, tu veux. Ils avant des histoires comme une bête avale la pilule. J'suis ton ange gardien, toi défenseuse comme as-tu dit. Elles m'ont vu ici, et là bébé, mais toi m'as-tu vu. Elles veulent qu'on tombe à l'eau, salisse mon image. Elles veulent qu'on tombe à l'eau, que je prenne le large. Elles veulent qu'on tombe à l'eau, c'est vraiment dommage. C'est toi que je veux, elles sont dans le mat, tu veux. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. J'suis pas un homme comme ça. Ouais, sur ma vie, j'suis pas un homme comme ça. Hein, j'suis pas un ange. Vous êtes pas des anges non plus. J'ai fait du mal. On m'a fait du mal. Mais une fois qu'on est plus ensemble, venons, on s'oublie. Ça sert à rien d'envoyer des messages, ceci, cela. Si je me suis comporté avec toi comme ça, qui dit que je le ferais avec une autre? J'suis pas un homme.